إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue encore une fois le dars au sujet de l'aqida de l'imam Abu Osman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabouni rahimahullah, et le titre du livre c'est encore une fois Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith. Et donc on continue à l'endroit où on avait arrêté au dernier cours. Le chapitre qu'on commence aujourd'hui c'est Al-Hidayatu min Allah. Al-Hidayatu min Allah. Donc le cheikh aujourd'hui va expliquer qu'est-ce que c'est Al-Hidaya et yani, les détails de ce qui se rapporte à ça par rapport à la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Le cheikh il dit à propos de Ahl Sunnah wal Jama'ah, il dit ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية. Donc le cheikh il continue encore, il dit فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc le cheikh il dit que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah, Ashab al Hadith, ils croient et ils témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide qui il veut à sa religion et il égare qui il veut à sa religion. Et les créatures n'ont aucun argument, ceux qui ont été égarés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucun argument ni excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 149 dans Sourate Al-An'am, قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. Dites à Allah subhanahu wa ta'ala, appartient l'argument yani le plus décisif et le plus clair. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il les aurait tous guidés. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il les aurait tous guidés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh a mentionné un autre verset dans Sourate Al-Sajda, le verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait donné à chaque âme sa guidance. Toutefois, sa parole a été déterminante et a été établie en vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Walakin haqqa al-qawl minni » ma parole a été déterminante en toute vérité, et il a dit qu'il allait remplir l'enfer et le paradis des hommes et des djinns. Pardon, il a dit qu'il allait remplir l'enfer des djinns et des hommes en entier, oui, c'est ça. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait donné à chaque âme sa guidance. Mais il a déterminé qu'il devait y avoir, qu'il devait remplir l'enfer de djinns et d'êtres humains. Ensuite, il a mentionné un autre verset qui est le verset 179 dans Surat Al-A'raf. Et ce verset-là dit: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. On a يعني destiné plusieurs parmi les hommes et les djinns pour l'enfer. Ils ont été créés pour l'enfer. Ok. Et Allah il continue par la suite: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا إِلَى آخِرِهِ. C'est-à-dire, ils ont des cas, mais ils ne réfléchissent pas avec, ils ne les utilisent pas pour méditer, pour réfléchir sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont des yeux: وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils sont comme des bêtes, comme des animaux, يعني comme des bestiaux, mais يعني même ils sont encore plus égarés encore. Donc أولئك هم الغافلون. Ceux-là sont les insouciants. Ça c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces catégories-là parmi les êtres humains qui l'a dévié ou qui l'a égaré. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la création sans qu'il n'ait aucun besoin d'eux. Allah n'a pas besoin des êtres humains, n'a pas besoin de ses créatures. Et il a divisé sa création en deux groupes. Un groupe qui était destiné pour le paradis, pour ses délices, et ça c'est parmi ses grâces, ça veut dire il leur donne son délice et son paradis, et c'est une grâce de sa part. Et il y a un autre groupe à qui il a destiné l'enfer, et ça, c'est pas par injustice de sa part, mais c'est pas, au contraire, c'est bien par sa justice. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne à une créature une part de sa récompense et du paradis, c'est par sa miséricorde et aussi par, comme il dit le cheikh, par sa grâce. Et quand il punit, c'est par sa pleine justice et sa totale justice. Et il dit que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a dévié, ou celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est lui en fait qui a fait que parmi ses serviteurs il y en a qui soient déviés et il y en a qui soient bien guidés. Il y en a parmi eux qui sont malheureux et il y en a parmi eux qui sont heureux. Et donc il y en a qui sont près de sa miséricorde et il y en a qui sont loin de sa miséricorde. Et le cheikh il dit: on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'expliquer ou de justifier ce qu'il fait, mais c'est plutôt les créatures qui doivent être questionnées au sujet de ce qu'ils font. Donc on n'a pas à questionner Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ses actions et au sujet de ses jugements. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le juste, il est juste. لا يظلم مثقال ذرة. Il ne fait pas un poids ou une atome ou une graine de moutarde d'injustice envers ses créatures. Et on n'a pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pourquoi il fait telle ou telle chose, ou pourquoi il a jugé de telle ou telle action. Parce que on doit avoir confiance et on doit croire fermement que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est en pleine justice, en pleine sagesse. Tout ce qu'il fait est rempli de sagesse et de justice et de miséricorde et de bonté. Ensuite, le cheikh il mentionne, ça ce verset-là c'est le verset 23 dans Surat Al-Anbiya, Et le verset, ensuite il mentionne le verset 54 dans sourate Al-A'raf. Et ce verset-là, ça dit quoi ? Ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. C'est-à-dire, c'est à certes Allah qui appartient la création et le commandement, ou bien l'ordre. Et que soit béni Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ensuite, le Cheikh Abu Othman, il mentionne ensuite une narration à ce sujet-là qui prouve ces points-là encore une fois. Cheikh il dit « أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير بن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. شيخ المعتن حديث كي le célèbre حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه et l'imam النووي رحمه الله il l'a mentionné ce hadith dans son livre الأربعون النووية dans les 40 hadiths de l'imam النووي. Le hadith est mentionné, le hadith en question. On l'appelle souvent, ou les ulama l'appellent souvent, le hadith de As-Sadiq al-Masduq. C'est-à-dire que c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est As-Sadiq. C'est ça qu'Abdullah ibn Mas'ud dit. Abdullah ibn Mas'ud dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est As-Sadiq al-Masduq. As-Sadiq, celui qui est véridique dans ses paroles. Al-Masduq, c'est-à-dire dont on accepte les paroles et on croit en la véracité de ce qu'il dit. As-Sadiq al-Masduq, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chacun d'entre nous dans le ventre de sa mère 40 jours dans l'état de nutfa, puis 40 jours dans l'état d'une alaqa, puis 40 jours dans l'état d'une mudra. Et yani, ensuite, c'est-à-dire le fœtus qui se développe dans le ventre de la femme, de la mère, durant ces 120 jours-là, les 120 premiers jours, ok. Et à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un ange, et il ordonne à cet ange d'écrire pour ce fœtus qui est dans le ventre de la femme, 4 choses. Donc l'ange, premièrement, dans cette narration-là que le Cheikh a mentionné ici, c'est pas la narration qui est mentionnée dans Al-Arba'un al-Nawawiyya. Toutefois, c'est le même hadith dans le sens. Toutefois, c'est pas la même narration exacte. Toutefois, dans la narration qui est dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, il y a la mention que il envoie l'ange et il souffre l'âme. ينزل إليه الملك أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أوكي يا لا mention du fait que يعني l'ange vient et souffle l'âme à l'intérieur du fœtus. Okay. Et il ordonne à cet ange d'écrire 4 choses au sujet de ce fœtus là, c'est-à-dire son risque, sa subsistance, tout ce qu'il aura pour manger, pour nourriture, toute subsistance, l'argent et tout ce qu'il aura besoin durant sa vie, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit, l'ange est commandé de l'écrire pour cet enfant. Ensuite, amaluhu, tout ce qu'il va faire comme action, que ce soit des bonnes ou mauvaises actions. Wa ajaluhu, c'est-à-dire son terme, c'est-à-dire combien de temps il va vivre sur la terre. Ça c'est écrit pour lui. Wa shaqiyun aw sa'id, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux? Est-ce qu'il va être parmi les gens de l'enfer ou les gens du paradis? Tout ça, ça a été écrit, ça a été écrit dans, par cet ange pour cet enfant-là, à ce moment-là. D'accord? Et c'est par rapport, bien entendu, à ce qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tables préservées. Et ça, ça a rapport avec qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que les gens appellent souvent Al-Maktoub. Hein, les gens appellent ça, cette catégorie-là, des aspects de Al-Qadha ou Al-Qadar, c'est l'aspect qu'on appelle Al-Maktoub. Parce que le chapitre qu'on a parlé, dont on a parlé dans la dernière, dans le dernier cours, hein, c'est le cours numéro 7 dans les cours que j'ai mis sur, dans l'ordre dans lequel je les ai mis sur le site. Eh ben, c'est le cours numéro 7. À la fin, on a terminé en parlant des, de la création des actions des serviteurs. D'accord? Et on a mentionné que, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on croyait que tout ce que les créatures faisaient, c'était une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui crée tout ce qu'on fait. Que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions. Et on a expliqué à ce sujet-là, qu'est-ce que ça voulait dire. Et ça, c'est un des quatre piliers de la foi en Al-Qadar ou Al-Qadar. Les quatre piliers de Al-Qadar ou Al-Qadar, le chef, il les mentionne, mais pas en ordre. Ou bien pas dans l'ordre habituel tel qu'il est mentionné par les ulama, mais il les mentionne, dans un ordre différent, mais toutefois c'est la même. C'est la même chose. C'est que il mentionne, les ulama mentionnent que pour croire, ou pour que notre foi en Al-Qadha ou Al-Qadar soit, acceptée, et pour qu'elle soit correcte, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle respecte quatre conditions. La première condition, c'est qu'on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance complète et parfaite de tout ce qui existe, hein, et de tout ce qui n'existe pas, et si ça existait, comment ça serait, hein, de ce qui est possible et de ce qui est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance parfaite de toutes choses à l'infini, d'accord? C'est pas une connaissance qui est précédée d'ignorance comme les créatures. Créatures, quand ils acquièrent une connaissance, leur connaissance est précédée d'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable à la création dans cette façon de, dans cet attribut-là, d'accord? Donc il est al-alim, hein, il a une connaissance parfaite, et c'est lui le savant et le connaissant, donc il connaît toutes choses. Et ça c'est la première condition pour comprendre cette chose-là. Et la deuxième condition dans les aspects de Al-Qadha ou Al-Qadar, c'est justement de croire que tout ce qui se passe dans l'univers et tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Lawh al-Mahfouz, d'accord, dans les tablettes ou dans les tables préservées. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, avant même d'avoir créé, pardon, les cieux et la terre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, eh ben, il a écrit la destinée de toutes les créatures. Ok? Il a, la première chose qu'il a créée, c'est la, al-qalam, la plume. Et il a commandé à cette plume d'écrire. Et la plume a dit ou a demandé qu'est-ce que je dois écrire, et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, il a dit écris tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'ils seront ressuscités. Et donc la plume a écrit toute la destinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'écrire. Et donc ça, ça montre que il y a rien qui arrive dans l'univers excepté que tout ça, ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala dans les tables préservées. Et qu'est-ce que les anges viennent écrire dans le ventre de la mère de chacun d'entre nous lorsqu'on est à l'état de fœtus, lorsque l'ange vient mettre l'âme dans le fœtus? Eh ben, ça aussi, ça fait partie de, des informations qui font partie de Al-Lawh Al-Mahfouz, que l'ange descend par le commandement d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de l'écrire sur cet enfant-là. D'accord? Et oui. Ah oui, c'est vrai. Non, il y en a dit deux. Le troisième, c'est quoi? C'est Al-Mashi'a. Et c'est le prochain que le cheikh va expliquer, pas le prochain point, mais le prochain point après, l'avant, disons, le, pas le prochain, mais l'autre après, il va parler de Al-Mashi'a. Et Al-Mashi'a, c'est quoi? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, il faut croire que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers, excepté que c'est par sa volonté. Que ce soit bon, que ce soit mauvais par rapport à ce qu'on voit nous, hein, que par rapport à ce qu'on observe, si nous on voit que c'est bon ou que c'est mauvais, tout ce qui arrive, peu importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a écrit et prédestiné. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de choses qui se passent par erreur avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il l'a voulu. Il n'y a pas une atome dans l'univers qui peut bouger, excepté que c'était écrit par Allah. Allah l'avait su, c'était écrit et il l'a voulu. S'il n'aurait pas voulu, il n'aurait pas bougé. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut aller en opposition avec ce qu'Allah a voulu. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est quoi? C'est ce qu'on a mentionné au dernier cours, le dernier point, c'était que tout ce qui existe est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est important de comprendre que tout ce qui existe est créé par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'il y a des gens parmi les mouchriquins, les kuffars, qui ont essayé d'expliquer l'origine du mal. Et étant donné qu'ils ont été confus dans cette question-là, ils ont imaginé qu'il y avait deux dieux. Un dieu qui a créé le bien et un dieu qui a créé le mal. Et ils s'imaginent qu'il y a une guerre entre ces deux dieux-là et que, à la fin, c'est le dieu du bien qui va gagner contre le dieu du mal. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'incorrect d'avoir cette conception-là. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Créateur. Et en ce qui concerne le bien et le mal, c'est le prochain point au sujet duquel le Cheikh va parler. D'accord? Donc, il y a deux groupes parmi les gens de Bid'ah qui ont dévié en ce qui concerne la prédestination, ou bien Al-Qadr. Ok? C'est ceux qui ont affirmé la prédestination au point d'enlever à l'être humain sa volonté et sa capacité, et sa force, sa capacité de faire des choses. Ils ont dit, l'être humain, il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité. Tout ce qu'il fait, hein, c'est parce qu'il n'a pas le choix de le faire. D'accord? Ça, c'est Al-Jabriya. C'est un groupe parmi les groupes de Bid'ah qui disent que l'être humain, il est comme une feuille dans le vent, ou comme une plume dans le vent, si on la laisse tomber. Eh bien, elle se laisse aller par le vent dans l'air, donc elle n'a aucune volonté ni capacité de changer sa trajectoire ou de faire autre que ce que le vent la pousse à faire. Et donc, pour eux, l'être humain, il est de cette catégorie-là. S'il fait un péché, s'il fait quelque chose de mal, si par exemple quelqu'un décidait comme de donner un coup de poing ou de frapper le frère qui est ici, eh bien, lui, cette personne-là qui suivait cette bid'ah, elle dirait, ah, il n'avait pas le choix de le faire. C'est comme s'il était forcé. D'accord? Et les ulama, ils ont réfuté cette bid'ah depuis très longtemps. Et même, j'ai mentionné souvent cet exemple dans d'autres cours où certaines personnes avaient volé à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et il avait volé. Et donc, il est venu voir Omar ibn al-Khattab pour lui dire, j'ai pas eu le choix, c'était al-Qadar, c'était la prédestinée. Hein. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, et c'est aussi la prédestinée, c'est aussi Al-Qadar, que je te coupe la main. Et donc c'était pour lui montrer que cet exemple-là était pas, pouvait pas être soutenu. Et donc, celui qui fait quelque chose, il est libre, dans une certaine façon, il a une certaine volonté et une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et donc, à cause de ça, il est responsable de ses actions. Il est responsable de ses actions. Et d'un autre côté, il y a l'autre extrême parmi les gens de Bid'ah qui ont voulu, par exemple, affirmer la volonté et la capacité de l'être humain, mais qui ont exagéré dans ce point-là. Et donc, ils ont voulu tellement affirmer la capacité et la volonté de l'être humain qu'ils en ont même allé jusqu'à rendre ou faire des êtres humains des dieux, dans le sens qu'ils ont cru que l'être humain, par sa capacité et sa volonté, est capable d'aller contre la volonté et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, ils ont nié Al-Qadar, ils ont nié la capacité et la toute-puissance et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Donc ça c'est un autre extrême, et donc ces gens-là, eux, ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose qu'Allah n'a pas voulu. Donc ça c'est comme s'ils nient la volonté d'Allah, que la volonté d'Allah a toute puissance et a précédence. Donc Ahlul Sunnah wal Jama'a ont pris la position du juste milieu à ce sujet-là. On n'a pas exagéré dans le fait d'affirmer la volonté et la capacité des créatures au point de dire qu'elle peut opposer la volonté et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a affirmé à l'être humain une capacité et une volonté, mais dans les limites du fait qu'elle est limitée par la capacité et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, en même temps, on a, dit que Allah subhanahu wa ta'ala, on a affirmé la capacité et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans toutefois nier que l'être humain a une capacité et une volonté également qui est limitée par la volonté et la capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et il y a des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدل إن هذه تذكرة إن هذه التذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما بسسا donc Allah سبحانه وتعالى il dit إن هذه تذكرة voici un rappel ceci c'est un rappel فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا donc celui qui le veut qu'il suive le chemin qui mène vers son Seigneur. Donc ici on a l'affirmation que l'être humain il a une volonté et que par sa volonté il peut choisir de suivre le droit chemin. Mais après Allah subhanahu wa ta'ala il vient avec une autre verset qui dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ donc ça veut dire votre liberté ou bien votre volonté que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée, elle n'est pas absolue. Cette volonté-là, elle ne peut pas s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » Vous ne pouvez pas vouloir accepter si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. « إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » Allah subhanahu wa ta'ala est certes savant, connaissant et omniscient, il sait tout, et « حَكِيمًا » il est sage. Donc cette volonté et cette façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les choses, eh ben, elle est aussi remplie d'une connaissance et d'une sagesse, et d'une justice aussi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut dans sa miséricorde. Wa dhalimina a'adda lahum 'adaban 'alima. Et les injustes, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux un châtiment douloureux. Donc ça c'est les exemples en ce qui concerne Al-Qadar, et c'est de ça que le cheikh ici C'est de ça qu'il parle. Et il réfute les gens de bid'a en mentionnant ces textes. Donc quand il parle ici par exemple de la guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute Al-Qadariya qui prétend que l'être humain il choisit et il fait tout ce qu'il veut de façon absolue et que c'est, il n'est pas limité par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a parmi eux qui nient la connaissance, hein, et qui disent que Allah ne sait pas ce que l'être humain va faire, hein, excepté après qu'il l'ait fait. Ça c'est des kuffars, il y en a ceux qui disent ça. Et il y en a d'autres qui essaient de nier que Allah a écrit tout ce qui s'est produit à l'avance. Ceux-là aussi sont des kuffars parce qu'ils ont nié ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Ça, la question de Al-Maktoub, même c'est affirmé, j'ai mentionné ça dans des exemples. Il y a des versets dans le Coran qui mentionnent ça aussi. Hein. Donc, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a aucun malheur qui vous atteint ni dans les cieux ni en vous-même. في الأرض, non sur la terre et en vous-même, excepté que c'était écrit dans un livre avant même de l'avoir créé. إن ذلك على الله يسير. Et ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, de croire que tout ça c'est écrit, il y en a qui ont essayé de nier ça parmi les extrémistes, parmi les gens de bid'a comme les Mu'tazila et les Jahmiya et les gens de cette catégorie-là. Et ceux-là sont, yani, ceux qui ont nié ces deux premières conditions-là qu'on a mentionnées, ceux-là sont kuffar. Et comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah a mentionné que ces deux groupes-là, ces deux groupes-là sont parmi les extrémistes, et ils n'existent pas vraiment à notre époque. Yani. Toutefois, ce sont des groupes qui ont déjà existé, et ceux qui nient ces deux choses-là sont parmi les gens qui ont nié l'islam. Toutefois, il y a deux autres groupes qui ont nié, ou bien d'autres groupes qui ont nié les deux dernières catégories, c'est-à-dire qui ont nié la volonté et qui ont nié aussi le fait que les actions qu'on fait sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Jabriya et d'autres groupes aussi parmi les Asha'ira qui prétendent que l'être humain a une capacité, mais une capacité qui n'a pas d'effet ou d'impact. Et donc ça revient à nier en réalité que l'être humain a une capacité et une volonté distinctes. Ok, puis il y a aussi yani, d'autres groupes aussi qui ont dévié à ce sujet-là. Toutefois, l'important de comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a mentionné, il a écrit la destinée de tout ce qui allait arriver dans cette création, et il a envoyé l'ange avec l'âme, et il a écrit les quatre choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, le risque, les actions et le terme de ta vie. Et est-ce que tu seras heureux ou malheureux? Et ensuite, dans le hadith qu'on a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et par celui qui tient mon âme entre sa main, l'un d'entre vous continuera à faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'une coudée, et c'est-à-dire une certaine distance, une petite distance, et tout d'un coup, après, la chose qui a été écrite pour lui va prendre le dessus sur qu'est-ce qu'il fait, et donc il va commencer à faire les actions des gens de l'enfer, puis il va rentrer à l'enfer. Et il y en a certains qui vont faire des actions parmi les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coudée entre eux et l'enfer, puis ils vont commencer à faire les actions des gens du paradis et ils vont rentrer au paradis. Et il y a une narration dans une des narrations de ce hadith qui mentionne que les actions que les gens font, comme par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui vont faire les actions des gens du paradis, il y a une narration qui a rajouté les mots فيما يظهر عند الناس c'est-à-dire dans ce qui est apparent ou dans ce qui apparaît aux gens ok c'est-à-dire que يعني, les gens certaines personnes vont faire des actions des gens du paradis selon ce qui est apparent parce qu'on ne sait pas des fois la réalité de qu'est-ce que quelqu'un peut faire comme ça quelqu'un devant les gens peut faire les actions des gens du paradis puis lorsqu'il est tout seul on ne sait pas exactement est-ce qu'il fait les actions des gens du paradis ou les actions des gens de l'enfer hein donc à ce sujet là on voit que cet ajout-là, ou cette autre narration-là rajoute un détail qui est assez important aussi. La même chose pour les gens qui font les actions des gens de l'enfer, ça peut être qu'est-ce que les gens voient en apparence, hein, alors qu'en réalité, il se peut que cette personne-là ait d'autres bonnes actions que les gens ne connaissent pas. Et donc ça c'est pour, en fait ce hadith c'est pour que le musulman reste toujours en conscience de qu'est-ce qui se passe dans sa vie par rapport à sa religion et par rapport aux actions qu'il fait. Pour pas qu'il prenne les choses pour acquis, de dire ah ça y est, moi je suis sur l'istiqama, je suis sur le droit chemin, je suis sur la guidance, je suis parmi les gens qui font les actions du paradis, je fais la salat, je fais la zakat, je fais la somme. Hein, je connais le tawhid, hein, je fais les bonnes actions, et donc il cesse par la suite de prendre des précautions pour éviter les péchés, et il se laisse détourner juste avant de mourir, et il meurt dans l'état dans lequel il meurt sur des péchés, donc ça c'est dangereux, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans les hadiths, « Innama al-amal bi-khawatim » La personne va être jugée selon ce qu'il faisait en dernier, à la fin de sa vie. Et ça, c'est pour que l'être humain reste toujours en état d'alerte. Le mu'min, il doit toujours rester en état d'alerte et jamais prendre pour acquis qu'aujourd'hui je suis droit, je fais le bien, ça y est, mon paradis est dans ma poche. Hein, c'est-à-dire je l'ai gagné déjà. Et peu importe ce qui va arriver plus tard, je ne peux pas dévier. Ça, c'est une erreur de penser comme ça. D'accord ? Il faut toujours être en état d'alerte et être sur nos gardes vis-à-vis des ruses du shaitan, vis-à-vis des fitans, vis-à-vis de tout ce qui pourrait atteindre une personne dans sa religion pour éviter justement qu'il soit pris lorsqu'il ne s'en attend pas et qu'il commence à tomber dans des fitans ou dans des péchés et puis qu'il finisse sa vie d'une mauvaise façon. Donc on doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre la mauvaise fin, la mauvaise conclusion d'une personne dans sa vie. Après le Cheikh il dit « Akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qal, Anba'ana Abu al-Abbas al-Siraj qal, Haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, wa huwa ibn Rahuya, wa qal Anba'ana Abu al-Samad ibn Abd al-Warith qal, حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة donc encore une fois c'est une autre narration de ce même hadith c'est-à-dire de la fin du hadith qu'on a mentionné qui est le hadith de Mas'ud à propos de As-Sadiq al-Masduq et de la création du fœtus dans le ventre de la mère, etc. et que l'ange vient pour donner les, ou écrire les quatre choses de sa destinée, etc. Donc, ça c'est une autre version de ce hadith qui a le même sens dans la conclusion et qui dit qu'un être humain ou une personne va faire les actions des gens du paradis et alors que c'est écrit dans le livre, qu'il est dans l'enfer, ou qu'il est parmi les gens de l'enfer. Donc lorsque sa mort arrive, lorsqu'il est proche de la mort, il commence à agir et à faire les actions des gens de l'enfer, et lorsqu'il meurt, il entre en enfer. Et la même chose pour le contraire, un homme, hein, il vit sa vie, il fait les actions des gens de l'enfer toute sa vie, hein, puis c'est écrit pourtant dans le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, donc dans ce livre, qu'il sera parmi les gens du paradis. Puis lorsque le moment de la mort arrive, juste avant sa mort, il commence à faire les actions des gens de l'enfer, puis il meurt et donc il rentre au paradis. Il commence à faire les actions des gens du paradis, puis il meurt, puis il rentre au paradis. Donc ça c'est un hadith qui devrait mettre en fait la crainte dans le cœur du mu'min du fait de se penser en sécurité. C'est ce qu'on appelle al-amnu min makrillah, de se sentir en sécurité des ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de toujours savoir que quand on fait des péchés ou quand on va faire des désobéissances, il faut toujours se repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire en sorte qu'on se met en état d'alerte, comme je disais tout à l'heure, et on prend des précautions pour éviter de retomber dans ce même péché-là, ou bien dans n'importe quel autre péché, pour mourir en état de piété et de sincérité et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'autre chapitre, donc, le cheikh parle par la suite, c'est le point où il mentionne al-khayr wa shar, le bien et le mal. Ça, c'est important aussi de comprendre ce point-là, parce que, yani, c'est un point qui a rapport avec aussi la compréhension correcte en ce qui concerne al-qada ou al-qadar. Il y a un point que j'ai oublié peut-être de mentionner en ce qui concerne al-hidayah, le fait que la guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers sa création, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc il guide toute personne qui fait un effort pour être guidée, tandis qu'une personne qui ne veut pas être guidée et qui se détourne, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse dans son égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, si on relit les versets du Coran au sujet de la guidance, on voit que la guidance a des causes. On voit que la guidance a des causes. Ok? Et par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va guider son cœur. Aussi, il dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans nos chemins, dans nos voies, dans notre obéissance, on va le guider vers nos voies et notre paradis et tout ce qui mène au paradis parmi les bonnes actions. Donc ça c'est un autre exemple, yani, du fait que, yani, il y a, c'est vrai, il y a la guidance et il y a des causes pour la guidance. Et il y a l'égarement et il y a aussi des causes pour l'égarement. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a détaillé ça et clarifié ça dans son livre, si vous retournez au livre Al-Fawaid, vous allez trouver dans ce livre Al-Fawaid plein de mentions des causes de la guidance et des causes de l'égarement dans ce livre. Et c'est un des livres vraiment qui est rempli de Fawaid, tel que son nom l'indique. Hein. Parce que Al-Fawaid, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les bienfaits, les bénéfices. Et donc dans ce livre-là, vous trouvez plein de bénéfices et des choses vraiment qui, yani, c'est des notes que le cheikh a pris à certains moments où des fois les ulama, c'est ça souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que ils ont une réflexion sur un verset dans le Coran ou sur un hadith, ils ont une pensée, yani, une idée ou une inspiration à un certain moment donné, ils pensent à un verset ou à un hadith ou ils lisent le Coran et tout d'un coup ils comprennent quelque chose et donc ils disent, ah, je vais le prendre en note pour pas l'oublier. On appelle ça, c'est ça que l'imam Ibn al-Qayyim a fait en fait en écrivant ce livre. C'est pour ça qu'il appelle al-fawa'id. C'est plein de petits points qu'il a réfléchi, des notes intéressantes qu'il a trouvées ou qu'il a contemplées en lisant le Coran et donc il les a pris en note. Et là, on trouve que c'est rempli de fawa'id et de notes vraiment bénéfiques. Si on les lit, donc on voit le niveau de compréhension de Ibn al-Qayyim au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est étonnant. Et donc, en ce qui concerne l'égarement et ses causes, on voit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des juifs, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils ont dévié, ils ont choisi la déviation, Allah les a laissés se dévier et il les a augmentés en déviation. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et ceux qui ont été guidés, hein, il les a augmentés en guidance. Il leur a donné taqwa. Hein. Et en ce qui concerne l'égarement, il y a beaucoup d'autres exemples aussi. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ إلى آخر الآية. Donc, Thamoud par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Et donc Allah les a pris par la suite par un châtiment humiliant et avilissant. Donc c'est les exemples pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste. Et quand on a dit tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide et c'est lui qui égare, et ça c'est la pure vérité, toutefois il est juste. Et donc celui qui cherche la guidance et qui veut être guidé, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui cherche la guidance, qui veut être guidé et qui prend les moyens pour être guidé et qui les suit ces moyens-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les laisser errer dans l'égarement. La même chose que celui qui se détourne et qui ne veut rien savoir de la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser parce qu'il est juste. Donc, il va le laisser dans ce qu'il a choisi comme égarement. Comme dans le verset par exemple, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la vérité lui a été faite claire, apparente, clarifiée, hein, qui suit autre que la voie des mu'minin, autre que la voix des sahaba, autre que la voix des salaf. Nuwallihi ma tawalla, on le laissera se détourner tel qu'il s'est détourné. Il s'est détourné, on le laisse se détourner. C'est comme ça. C'est par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une injustice de sa part. Donc c'est pour comprendre ça aussi d'une façon claire. Que quelqu'un, s'il fait pas d'efforts pour être guidé, eh bien il n'aura pas de guidance. C'est comme aussi le hadith. Que le prophète, c'est un hadith Qudsi, si je ne me trompe pas, il dit que celui qui, si je me souviens bien, qui marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va courir vers lui, et ainsi de suite, yani. Donc c'est pour montrer que même tu vas faire juste un petit effort, rien, yani, juste un peu d'effort pour aller vers Allah, et tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala, de son côté, il va faire beaucoup de choses pour faire en sorte que tu vas être guidé, même si tu fais juste un petit effort. Donc c'est pas donnant, c'est pas égal même. Allah subhanahu wa ta'ala, tu fournis un petit effort, lui il te donne beaucoup. Tu donnes un peu, il te donne beaucoup. Mais tu donnes rien du tout, il te laisse égarer. Hein. Après, le chef dont il parle, comme j'ai dit, du bien et du mal. Et le chef il dit, وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره ولا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جاهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه ولو جاهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Le Cheikh explique un point important ici et il dit que les gens d'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, ils témoignent et ils croient que le bien et le mal, ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, ce qui est sucré et ce qui est amer, tout ça c'est par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut le rejeter. rien ne peut rejeter la destinée et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas t'en échapper, tu ne peux pas t'échapper de ce qu'Allah a destiné et décrété pour toi. Et tu ne peux pas non plus utiliser une ruse pour essayer de t'en faufiler, d'accord? Et donc, il n'y a rien qui va t'atteindre, excepté ce qu'Allah a écrit pour toi. Donc, ce qui t'atteint, c'est parce qu'Allah te l'a écrit. Si ça ne t'a pas touché, c'est parce qu'Allah avait écrit que ça ne te toucherait pas. Si ça te touche, c'est parce qu'Allah avait écrit que ça te toucherait. Hein? Donc, il dit, même si toute la création faisait un effort pour essayer de te bénir, de faire un bienfait quelconque, qu'Allah ne t'a pas écrit, il ne serait pas capable de le faire. Et si la création faisait un effort pour essayer de te nuire, hein, et pour te faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas décrété pour toi, il ne serait pas capable non plus de le faire. Et le cheikh il dit que ça c'est mentionné dans le hadith qui a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il était derrière l'âne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit « Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, yahfadillah yahfadk » et la akhir al-hadith. Donc ça c'est un autre hadith encore, qui fait partie des 40 hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi dans les 40 hadiths. Donc ça nous montre en même temps l'importance de ce livre de hadith, des 40 hadiths. Celui qui mémorise les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il a mémorisé les hadiths les plus importants dans l'islam. Il a réuni les hadiths qui sont les bases et les plus importants dans la compréhension de l'islam. Et donc c'est très important de les apprendre par cœur et de les comprendre également et de les appliquer, inshallah. Et donc celui qui fait ça, il aura acquis une base solide dans la religion de l'islam et une bonne compréhension, inshallah, et inshallah Allah acceptera ses actions. Le cheikh il dit ensuite, وقال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Ça c'est le verset 107 dans sourate Yunus. Le cheikh il mentionne ce verset-là qui dit « Et si Allah subhanahu wa ta'ala te prend par un mal, personne ne pourra l'enlever de toi, excepté lui. » Si Allah te touche par un mal, ou fait qu'un mal te touche, personne ne pourra t'en sauver, excepté lui-même. Et si il veut un bien pour toi, personne ne pourra rejeter sa grâce. Personne ne pourra rejeter sa grâce. Donc ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir total sur tout ce qui peut se produire dans la création. Après, le cheikh il dit, وَمِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَطَرِيقَتِهِمْ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ مِنَ اللَّهِ وَبِقَضَائِهِ لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا ولا والرب خالقه، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك انفرادا وقصدا حتى يقال لك في مناداه يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا ولهذا أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Le Cheikh il dit, un autre point vraiment important en ce qui concerne la question du bien et du mal, ok? Parce que souvent les gens ils disent, est-ce que Dieu a créé le bien et le mal? Le bien on comprend, parce que Dieu est bon, mais le mal, comment on peut comprendre? Alors il y a beaucoup de gens, comme des gens qui ont dévié à cause de cette question, parmi les gens de Bid'ah, comme les Qadariya et les Jahmiya, ok, qui ont dévié les Jahmiya et les Jabriya. Ils n'ont pas voulu attribuer le mal à Allah, ou de dire que c'est Allah qui a créé qu'est-ce qui est mal dans l'univers, alors ils ont cru que, yani, ils allaient dire qu'il y a deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal. Et donc, ça c'est un égarement, sans aucun doute. Il n'y a qu'un seul créateur, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé aucun mal qui est absolu en lui-même. C'est-à-dire, Allah n'a pas créé rien qui est absolument mauvais ou mal. Même dans le mal qui existe dans la création, il y a toujours une portion de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses pour qu'il y ait dans une sagesse. Même par exemple dans la création d'Iblis, dans la création du Shaytan. Shaytan, il appelle les gens à faire le mal et il invite les gens au mal. Mais dans sa création, il y a aussi une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala teste par Iblis les créatures, et que à la suite de ça il y aura une récompense pour les mu'minines, et donc ça c'est un bien, d'accord. Donc il n'y a rien qui est absolument et complètement et 100% mal dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il y a toujours un but et un plan en arrière de ça qui est bon. Et le Cheikh il veut parler aussi de ce point-là, et en même temps nous montrer les bonnes manières et les bonnes manières et l'adab, comme on dit, le bon comportement et les bonnes manières à adopter quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui diminue son respect, le respect qu'il mérite, hein, parce que c'est le maître de l'univers et de toutes choses, celui qui mérite d'être purifié et d'être glorifié et d'être purifié de toute imperfection et de toute faiblesse et de tout mal. Donc les cheikhs ils disent que la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne ce qu'ils disent au sujet du bien et du mal, c'est que le bien et le mal, hein, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est par son décret, c'est par son décret biqada'i. Toutefois, on ne l'attribue pas directement à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne relie pas, ou on n'associe pas directement à Allah ce qui pourrait faire donner l'impression d'une faiblesse ou d'une imperfection, ou ce qui pourrait donner l'impression que quelque chose est mauvais en lui-même, d'une façon singulière, dans le sens que par exemple tu vas pas dire oh le créateur du singe ou le créateur du porc et des bêtes qui sont sales ou des choses de ce genre, d'accord. Même si personne ne les a créés excepté Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est-à-dire on doit adopter un bon comportement et des bonnes manières vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on va pas l'invoquer par de cette façon-là, par respect et avec, parce qu'on doit adopter un bon comportement, une des bonnes manières de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle de lui. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un dua qu'il a enseigné aux sahaba, hein, il a dit dans ce dua que tu sois béni et que tu sois élevé, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois béni et que tu sois élevé, et le bien est entre tes mains, et le mal n'est pas à toi. C'est-à-dire, on ne doit pas ramener le mal et le relier à toi directement. C'est ça que le cheikh explique. Il dit, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie, et Allah sait mieux, que le mal doit pas être relié directement à Allah intentionnellement et individuellement. Comme par exemple, si tu vas invoquer Allah, tu vas pas dire « Ô créateur du mal » ou « Ô celui qui a décrété le mal ». Ça c'est d'avoir une mauvaise attitude, un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur et celui qui a décrété le mal et le bien et tout ce qui existe. Toutefois, yani, on voit que cette attitude-là et ce comportement-là est mentionné même dans l'exemple de yani, plusieurs versets dans le Coran et même dans les paroles de certains des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Khidr par exemple. Lorsqu'il a parlé qu'il voulait par exemple faire couler le bateau, il n'a pas attribué la volonté de faire couler le bateau à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a relié ou il l'a attribué à lui-même en disant, en ce qui concerne le bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur la mer et j'ai voulu moi le briser ou faire un trou dedans, etc. Hein? Ça c'est dans Sourate Al-Kahf, le verset 80. Donc c'est pour montrer que il n'a pas mentionné cette intention-là en la ramenant à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en la ramenant à lui-même, parce que c'est quelque chose yani, de mal. Après il dit « وَلَمَّا ذَكَرَ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالْرَحْمَةِ أَضَافَ إِرَادَتَهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل جلاله. Donc le cheikh il donne un exemple encore pour faire comprendre avec l'exemple de Khidr. Il a dit quand Khidr a parlé du fait qu'il a fait un trou dans le bateau, il a mentionné que c'était sa volonté à lui, hein. Et après, quand il a parlé du bien et de la miséricorde et des bonnes choses, il l'a mentionné et il a dit que c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand il dit dans le verset 83 dans Surat Al-Kahf, فَأَرَادَ رَبُّكَ. Et ton Seigneur a voulu que ces deux enfants, là il parle de lorsqu'il a redressé le mur qui voulait tomber, il a redressé le mur et là, Moussa alayhi salam a dit, si tu voulais, tu aurais pu prendre un salaire pour avoir fait ça. Et donc, quand Khidr a expliqué à Moussa les raisons de ses agissements, il a expliqué à ce moment-là que, yani, en disant, ton Seigneur a voulu que ces deux enfants-là, hein, parce que le mur était construit sur un trésor qui appartenait à ces deux enfants-là, et yani, il dit, Khidr à Moussa, que Allah a voulu que ces deux enfants-là, lorsqu'ils deviennent plus vieux, ils trouvent leur héritage et leur trésor qui a été enterré en dessous de ce mur. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a redressé le mur. Et ça fait partie de l'exemple qu'il a donné pour montrer que, d'un côté, quand c'était quelque chose de mauvais, il a attribué ça à lui-même, quand il a fait le trou dans le bateau, mais quand il a fait quelque chose de bien, il a ramené ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, malgré que les deux étaient en fait de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ قَالَ, et il a donné l'exemple aussi au sujet d'Ibrahim, lorsque Ibrahim a dit, et lorsque je suis malade, tu me guéris. Donc quand il parle de la maladie, il ramène la maladie à lui-même. Il attribue la maladie Ibrahim à lui-même. Hein. Et quand il parle de la guérison, il dit, et c'est toi qui me guéris. Quand moi je tombe malade, ou quand je suis malade, quand moi je suis malade, c'est toi qui me guéris. Il aurait pu dire, quand tu me rends malade, c'est toi qui me guéris. Mais pour adopter un bon comportement, une bonne adapte envers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les paroles d'Ibrahim et en montrant qu'il n'a pas utilisé cette attitude-là envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a plutôt dit que lorsque je suis malade, tu me guéris. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre-là dans le Coran, comme par exemple quand on lit dans Surat Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ » Il n'a pas dit, il n'a pas dit par exemple, il a dit par exemple, je cherche, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche la protection en le Seigneur de l'aube du mal de ce qu'il a créé. Il n'a pas dit du mal que j'ai créé, il a dit du mal de ce que j'ai créé. Hein. Du mal qu'il a créé. Du mal qui vient de ce qu'il a créé. Min sharri ma khalaq. C'est pas du mal qui vient de lui directement. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est l'attitude à adopter. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Si vous regardez dans Bada'i' al-Fawa'id de l'imam Ibn Qayyim encore là, il mentionne plein d'exemples. Ça, c'est pas le même livre que j'ai mentionné tout à l'heure. Al-Fawa'id, c'est un livre à part. Puis, Bada'i' al-Fawa'id, c'est un autre livre encore différent, mais qui est encore rempli de plein de fawa'id aussi. C'est un livre un peu plus gros, un peu plus approfondi que Al-Fawa'id, mais quand même, il y a des exemples de ce genre de fawa'id, des petites subtilités dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'utilisation de certains mots, de certains termes, de certaines expressions, que la plupart des gens vont même pas remarquer, mais que lui, il mentionne et il explique les raisons de ces petites subtilités-là dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ouvrent en fait plein de compréhensions incroyables, yani, au sujet de la parole d'Allah, yani, des secrets de ce que les signes d'Allah et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent contenir, yani. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre point à ce sujet-là, au sujet de Al-Qadar, c'est le point de Al-Mashi'a. Et il dit, وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين والمعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته وأراد كل ذلك وشاء قضاها ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Donc le cheikh explique un point ici, c'est que comme on avait dit, ça c'est al-mashi'a, c'est la deuxième condition en ce qui concerne al-qada ou al-qadar. Pour que ta foi en al-qada ou al-qadar soit valable, il faut que tu affirmes que tout ce qui arrive est par la volonté et uniquement par la volonté d'Allah, et que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici que parmi la voix des gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est qu'ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive, que ce soit le bien, tout ce qui arrive parmi les actions des créatures, tout ce qu'on fait nous, les êtres humains, tout ce qui arrive dans nos actions, soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, tout ça, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça arrive. Il n'y a rien qui peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pourrais pas faire, si si Allah n'aurait pas voulu quelque chose, tu n'aurais jamais pu le faire. Ok? Donc, le cheikh il dit par exemple, personne ne peut croire en Allah excepté parce qu'il l'a voulu. Hein? C'est par sa volonté que quelqu'un peut croire en Allah. Si Allah n'a pas voulu, tu ne peux pas croire en lui. C'est uniquement par la volonté d'Allah que tu peux croire en lui. Et personne ne peut ne croire en Allah ou rejeter la foi en Allah excepté parce qu'il l'a voulu. Donc si Allah aurait voulu, les hommes auraient été une seule communauté, une seule umma. Allah il dit cela, le verset par exemple, verset 99 dans Surat Yunus. Surat Yunus, Cheikh il dit ce verset-là, et ce verset-là dit, et si ton Seigneur aurait voulu, tous les hommes, tous les gens sur la, tout le monde sur la terre aurait cru, ils auraient tous cru. Si Allah aurait voulu, il aurait fait que tous les êtres humains auraient été des mu'minines, hein. Voilà où sha'an la yu'sa, si Allah aurait voulu que personne ne le désobéisse, hein, il n'aurait pas créé Iblis, il n'aurait pas créé le diable. S'il voulait pas se faire désobéir et s'il voulait pas que les êtres humains le désobéissent, il n'aurait pas créé Iblis. Hein. Donc la mécréance des mécréants, la foi des croyants, l'ilhad des mulchidin, les déviations des déviés et des gens qui rejettent la foi, le tawhid des mouachidin, hein, l'unicité des gens qui appliquent le tawhid, l'obéissance des obéissants et la désobéissance des pécheurs et des désobéissants, tout ça fait partie du décret d'Allah et de sa prédestination et de sa volonté, hein, et de son vouloir. Et donc il n'y a rien qui sort de ce qu'Allah a voulu et de ce qu'il a décrété. Et il dit, le chef, que tout ce qu'il a voulu, de ce qui se produit, hein, il l'a voulu et ça fait partie de son décret. Toutefois, un point important encore une fois à saisir, et que beaucoup de gens parmi les gens de Bid'a ont passé par-dessus et ils ont dévié justement à cause qu'ils n'ont pas compris ça, c'est que c'est pas parce que Allah l'a voulu et c'est pas parce que Allah l'a décrété qu'il l'a aimé. D'accord? Le cheikh il dit qu'il est satisfait de la foi et il agrée la foi, mais il déteste le kufr, il déteste la mécréance et il déteste le péché. Et il n'est pas satisfait et il n'a pas agréé le péché et la mécréance. Et il mentionne le verset 7 dans Surat Az-Zumar pour faire comprendre ce point-là. Il dit, le verset 7 dans Surat Az-Zumar qui dit, si vous avez rejeté la foi, si vous avez mécru, in takfuru, sachez que Allah, yani, peut bien se passer de vous. Yani, il se suffit à lui-même et donc il n'a pas besoin de vous. Sachez que si vous rejetez la foi, ça ne nuit en rien à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de la créature. Mais il n'est pas satisfait que son serviteur fasse un kufr ou ait une mécréance, soit parmi ceux qui rejettent la foi. Il n'est pas satisfait de ça. Wa in tashkuru yardahu lakum. Mais si vous êtes reconnaissant, il est satisfait de votre reconnaissance pour vous. D'accord? Donc ça nous explique quoi? Ça nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il permet que certaines choses se produisent dans sa création qu'il n'aime pas. Allah permet la mécréance, que la mécréance se produise. Il permet que le shirk se produise. Il permet que les péchés se produisent. Hein. Il permet à certains de ses serviteurs de faire des péchés, de faire du kufr, de faire du shirk, de dire des choses, de faire des péchés. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime ça. Et la preuve qu'il n'aime pas ça, c'est qu'il a fait descendre des livres et des messagers pour faire connaître à sa création et aux êtres humains ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais là, t'as plus d'excuses. S'il y avait pas de livre, il y avait pas de messager, tu pouvais pas savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Et t'aurais une excuse. Mais tu n'as pas d'excuse parce qu'Allah a fait descendre des livres, des messagers et des livres pour faire connaître aux hommes ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il a expliqué dans cette révélation-là ce qui t'amène au paradis, ce qui t'amène en enfer. Hein? Donc tu n'as plus d'excuses maintenant de dire « je ne savais pas ». Mais il y a des gens parmi les égarés qui ont passé à côté de ça. Ils ont dit « si Allah l'a permis, si Allah a permis que quelqu'un fasse quelque chose de mal, c'est parce qu'il l'aime ». Et ça c'est l'égarement. Hein? Il y en a qui disent par exemple « Allah a créé le porc, donc ça veut dire qu'il aime le porc ». Non, ça ne veut pas dire ça. Allah a créé le porc et il a interdit le porc parce qu'il a révélé des livres et des prophètes qui ont dit « le porc, tu n'as pas le droit d'en manger ». Hein? C'est comme des femmes par exemple qui disent « Allah m'a créé belle et attirante, donc ça veut dire que je dois montrer ce qu'Allah m'a donné ». Hein? Ça c'est l'argument de certains parmi les femmes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elles croient que parce qu'Allah leur a donné une beauté ou des charmes et des trucs de ce genre, que ça veut dire qu'il faut le montrer à tout le monde. Hein? Si Allah me l'a donné, je dois le montrer. C'est pas ça. Allah il te l'a donné, c'est un test pour toi. On voit est-ce que tu vas être chaste, est-ce que tu vas être pudique, est-ce que tu vas avoir al-haya, est-ce que tu vas le garder pour ton mari, est-ce que tu vas te couvrir. Hein? Et non pas pour que tu sortes dans la rue puis que tu fasses la fitna avec tout ce qui est dehors. Donc ça c'est un exemple. Et donc il a créé les raisins. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on fasse de l'alcool avec. Il a créé les feuilles avec lesquelles on produit de la drogue, que ce soit de la cocaïne ou de la marijuana ou d'autres. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime que on produise ces matières-là avec, puis qu'on les utilise pour faire de la drogue ou pour faire des trucs de ce genre. Donc, on ne peut pas utiliser qu'est-ce qui se produit dans la création comme une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime ce qui se produit ou ce qui est fait. D'accord? Il y a une chose qui est différente, c'est ça que les ulama ont expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux volontés, iradatan. Une irada qui est kawniya et une irada qui est shar'iya. Une irada qui a rapport avec ce qu'il a créé, hein, et qui comprend ce qui peut permettre ou qui peut inclure ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, hein, et une irada qui est shar'iya, qui a rapport avec sa révélation et qu'est-ce qu'il a fait connaître par ses prophètes et par ses messagers. Et ça, c'est-à-dire que cette volonté-là, c'est uniquement dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, du sens que il veut que les gens obéissent, il veut que les gens fassent la salat, il veut que les gens croient en lui, il veut que les gens s'éloignent du haram, il le veut. Et comment on sait qu'il le veut? C'est parce qu'il a envoyé des livres et des messagers pour le faire connaître à l'humanité. Toutefois, il a aussi une volonté qui est cornée, hein, qui a rapport avec la création, hein, c'est-à-dire qu'il a permis que certains hommes fassent des péchés, que certains hommes fassent du shirk, qu'il y ait Iblis, et ça c'est dans le but de tester les hommes, et c'est dans une sagesse, yani, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire comprendre aux hommes qu'ils doivent être testés, etc. Donc ça c'est des exemples pour faire comprendre ces points-là. Ok, je pense qu'on va s'arrêter ici, on a, d'après ce que je vois, on a traversé les points qui traitent de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des points très importants, très compliqués, et comme les ulama des salafs ont expliqué, ils ont dit que celui qui patauge ou qui essaie de rentrer dans la question de l'qadar, hein, il doit faire attention parce qu'il risque de s'égarer facilement. Hein. Donc c'est un sujet que les salafs ont dit, ça fait partie du secret d'Allah ou du mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un sujet que tu dois utiliser ta raison, essayer d'imaginer comment Allah fait, comment Allah est, etc. Ces choses-là, tu ne pourras jamais les comprendre d'une façon absolue. Hein. Pour que tu comprennes al-qadar de cette façon absolue, il faudrait que tu sois capable de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et ça, c'est impossible pour nous, parce que notre cerveau est limité. Hein. Et on est des créatures faibles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa ma utitum min al-ilm illa qalila ». On ne vous a donné que peu de science. Ok? Donc, il ne faut pas essayer de dépasser notre degré de capacité à comprendre certaines choses, mais il faut juste se soumettre et accepter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces choses-là. Mais si on se limite aux quatre conditions que j'ai mentionnées, al-ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-khalq, ça c'est les quatre conditions, on les comprend comme il faut et on connaît les preuves à ce sujet-là et qu'on les accepte et qu'on s'y soumet, on ne va pas dévier bi-idhnillah au sujet de al-qadar ou al-qadar et on va rester dans les limites d'ahl-sunnati wal-jama'a à ce sujet-là. Donc, alhamdulillah, on va s'arrêter ici pour maintenant, puis on recommencera pour continuer le livre après, pour terminer le livre dans la prochaine session, soit après l'Asr ou bien, si c'est possible, d'ici l'Asr, prendre une petite pause puis recommencer par la suite. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.